Nuit sous ma couette, 3h du mat, la pluie qui tombe, les volets claquent, le sommeil qui n'arrive pas, et le délire qui prend le pas, entre le rêve et le réel, quand la fatigue et la mémoire mélangent pêle-mêle toutes les histoires, je finis par ne plus savoir. Salut à toi, douce Caroline, toi qui étais BCBG, tu as quitté ta limousine pour venir dans mon odyssée. C'était plutôt très amusant. Elle a fini par me séduire avec sa bouille et son sourire, ses seins qui tombent et son petit vent. Une aventure bien excitante. De ses grands bras elle m'entoura. Je finis par l'emmener chez moi. Sur mon ampli je l'ai assise face à moi pour qu'elle me séduise. J'ai pris ma bâche et j'ai slapé, pensant qu'elle aurait pu m'aimer. Mais la bougresse n'a pas bougé. Faut dire que c'était pas le pied. Salut à toi douce Caroline, toi qui étais BCBG, tu as quitté ta limousine pour venir dans mon odyssée. Classique, c'était nos relations, on aurait pu crever l'ozone. Une fantasia en pleine action, une éruption dans le puits d'ombre. Je l'emmenais dans mes concerts avec son look un peu pépère. Sur mon ampli, elle s'installait. Elle était là à m'observer pour voir si j'avais bien compris qu'il fallait suivre la batterie. Le cheveu hirsute, elle était fière quand elle voyait ma belle crinière. Et quand le show se terminait, c'était vers elle que les gens allaient. Un peu jaloux, je le reconnais, avec sa tête et son galbé. Mais bon, je ne pouvais pas lutter, du charme c'est sûr, elle en avait. Adriana dans ses beaux jours, avec un peu de poil autour. Salut à toi douce Caroline, toi qui étais BCBG, tu as quitté ta limousine pour venir dans mon odyssée. Classique, c'était nos relations, on aurait pu crever l'ozone. Une fantasia en pleine action, une éruption dans le puits d'ombre. Nuit sous ma couette, 6h du matin. Le temps est calme, il ne pleut pas. Je me réveille plein de sueur et je commence à avoir peur. C'est une peluche que j'ai rêvé, mais je suis encore fatigué. Il va falloir y retourner dans le délire de mes pensées. Salut à toi douce Caroline, toi qui étais BCBG, tu as quitté ta limousine pour venir dans mon odyssée.